Si tu ne m'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Si tu ne t'aimes pas, tu ne m'aimes pas. L'amour est comme un soleil. Comme un soleil dans la nuit de tout le monde, comme un flocon de neige dans la neige, comme un flocon de neige dans le soleil.